Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Semaine passée. Donc, on avait parlé du plan général, les trois étapes, et on était rendu au cours de la deuxième étape. Donc, on va continuer avec cette deuxième étape-là, qui était l'établissement de l'autorité collective. Ensuite, on a vu aussi comment ça passait par l'unité, et qu'ensuite, on va explorer comment nous allons pouvoir exploiter cette force d'unité-là pour utiliser le plus grand pouvoir dans notre société, en deuxième temps. Et on va finir en faisant une courte analyse des autres stratégies qui sont utilisées, que je considère comme étant inefficaces, que j'appelle les stratégies morcelées, donc qui consistent à se concentrer sur un aspect, une dimension de la réalité et d'espérer qu'on ait éventuellement un monde meilleur, comme par exemple l'environnement. Et donc, on va explorer ça un peu. Et ensuite, si on a le temps, à la fin, j'ai une petite capsule. Je me pose une question, donc c'est une courte capsule. Est-ce que ce serait mieux s'il n'y avait pas d'argent? Donc, pour ce qui est du retour sur la semaine dernière, on avait considéré, évidemment, notre projet, c'est de créer comment créer le paradis sur Terre. Donc, on veut élaborer un plan pour atteindre cet objectif-là, pour créer collectivement cette nouvelle civilisation-là. Et le plan, on avait vu qu'il y avait trois étapes, un plan général. Donc, la première étant l'autorité individuelle, la deuxième, l'autorité collective, et finalement, la création collective. Donc, l'autorité, c'est un des éléments du pouvoir, c'est l'aspect décision dans le pouvoir. Et j'avais donné la définition, comment je définissais le pouvoir. Il y avait trois composantes, donc la capacité, le potentiel et l'autorité. Donc, la capacité, c'est le savoir-faire, la technologie, le savoir. Et j'avais donné l'analogie de boire un verre d'eau. Donc, c'est évidemment être capable de boire le verre d'eau. C'est ça l'aspect capacité. Le potentiel, c'est le verre d'eau comme tel. Donc, c'est les ressources, l'énergie. Et le troisième aspect, c'est l'autorité. Donc, c'est la décision. Dans ce cas-ci, la décision de prendre le verre d'eau donc de boire. Et on avait vu que ce sont les individus qui, fondamentalement, sont l'autorité, car en fait, il n'y a que ça des individus dans la collectivité. C'est l'élément fondamental. Et les individus, les gens, sont libres, donc ils ne peuvent pas faire autrement que de choisir, de prendre des décisions. Et ces décisions-là, entre autres, sont des causes, donc, qui portent conséquences. De ce fait, les individus sont créateurs et responsables de l'état du monde, de la civilisation. Donc, nous sommes responsables de notre civilisation. Et le plan consiste à reconnaître d'abord cette autorité-là individuelle et ensuite de l'utiliser pour s'organiser collectivement de façon à pouvoir être maître de notre autorité collective, c'est-à-dire donc des mécanismes de prise de décision collective. Et on est rendu à l'étape où on reconnaît que c'est justement par l'unité que nous pourrons y parvenir, car l'unité va nous permettre de transcender la loi fondamentale, la dynamique fondamentale qui est le rapport de force. Et ensuite, la dernière étape du plan va consister, via cette autorité collective-là qu'on va créer, à orienter nos décisions collectives vers la création de notre objectif de civilisation que l'on nomme pour l'instant, dans le cadre de cette mission-là, le paradis sur Terre. Donc, brièvement, une définition du paradis sur Terre, c'est la plus simple que je peux donner. Évidemment, c'est une civilisation qu'on veut, que les gens veulent, et évidemment qui est perfectible. Mais l'aspect le plus important, c'est que c'est une société, une civilisation dénuée des choses inacceptables. Donc, dénuée des choses inacceptables, comme j'ai dit, de là l'urgence, ou en fond, le fait que c'est un objectif qu'on va se donner, mais à court terme. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut faire éventuellement, un jour peut-être, très loin dans l'humanité, là, c'est vraiment un objectif à court terme, c'est très important, et on a vu aussi qu'il s'agissait d'un objectif, donc c'est un projet collectif qui englobe toutes les dimensions, toutes les causes, tout le monde, toute l'humanité, c'est un aspect important, et aussi c'est un objectif, donc c'est pas quelque chose de vague, donc il faut que ça soit spécifique, ça va être défini, et on avait vu que dire que de vouloir changer le monde, ou créer un monde meilleur, etc., c'est pas assez. Évidemment, c'est sûr qu'on veut ça, mais c'est important de se donner un objectif. Et de là, l'idée d'avoir de parler de paradis sur Terre. Donc, on va voir ça, et après la pause musicale, on va revenir et on va continuer, c'est-à-dire avec la suite, avec le deuxième plan, où on était rendu la semaine passée. Donc, je vous invite tout de suite après cette courte pause musicale. Thank you. Amen. On est retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, comme je disais, on continue avec la deuxième étape du plan. Donc, la semaine passée, on avait reconnu que la dynamique fondamentale de toute multiplicité, donc évidemment, la collectivité humaine, c'est une multiplicité, il y a plusieurs êtres humains, et donc c'est la dynamique, la loi fondamentale, c'est le rapport de force, et les trois éléments qui déterminent, qui remportent, qui va gagner ce rapport de force-là, on avait dit, là, c'était la motivation, l'intelligence et le degré de méchanceté. Donc, et que nous, les êtres humains, on ne peut pas remporter ce combat-là, parce que pour ça, il faudrait qu'on augmente notre niveau de méchanceté, entre autres. Et c'est ce que nous voulons pas faire, évidemment, pour une question d'intégrité et de viabilité. Parce que, comme on sait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fond à la méchanceté, donc il va toujours y avoir quelqu'un qui va être plus méchant, et on pourra pas vraiment, on peut pas vraiment gagner à ce combat-là. Donc, il reste alors juste une seule voie, si on peut pas nier ou rejeter la loi fondamentale du rapport de force, donc ni en sortir vainqueur, il nous reste juste une possibilité, c'est la transcender. Et ça va se faire via l'unité. Donc, en étant unis, c'est nous qui sommes les plus forts, car j'ai l'expression, c'est notre motto, si nous sommes tous ensemble, qui peut être contre nous? Donc, je paraphrase l'expression de la Bible, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais si nous sommes tous ensemble, ben, on est les plus forts, dans le fond, et on peut dire que on utilise notre force, mais non pour remporter le rapport de force, quoique, à quelque part, c'est ce qu'on va faire, mais pour le neutraliser en choisissant et en mettant en place une autre dynamique. Autrement dit, en étant le plus fort, on peut décider que ce n'est pas le plus fort qui mène. Et certains diront peut-être que c'est déjà le cas dans notre société démocratique, mais bon, peut-être que jusqu'à un certain niveau, c'est vrai, mais pas complètement, c'est ça le hic. Et une autre façon de le voir, on pourrait dire que c'est le plus fort, dans le fond, dans notre société, dans notre civilisation, qui accepte de nous donner du lousse, si on veut, pour qu'on vive dans l'illusion que c'est nous qui décidons. Évidemment, je crois plus que c'est ça, dans la situation dans laquelle on se trouve. De là, la nécessité d'analyser ça et de changer les choses. Donc, en unissant, on décide on va pouvoir transcender le rapport de force et décider de ne pas guider nos choix par rapport à cette logique-là. Mais il va être important, tout au long de la continuité, de se souvenir que cette dynamique-là fondamentale va toujours être là. Donc, ça va être important de créer l'unité, mais de réussir à la maintenir perpétuellement. Sinon, on va retomber dans cette logique-là, et on va retomber sous son joug, si on peut dire, nécessairement. Donc, le plan général, créer l'unité, l'avoir comme base et la maintenir. Donc, à partir de là, on va pouvoir commencer à construire l'organisation collective. Et parce que l'unité, c'est pas vraiment en soi un mode organisationnel. Quand j'avais commencé à réfléchir à ça, je croyais que c'était ça notre mode d'organisation, mais ça va plutôt être un passage obligé, c'est une exigence. Et comment cela va se manifester, comment on va le créer, ça reste encore à définir et à expérimenter. Mais avant de le faire, il faut le vouloir. Donc, il faut comprendre son importance et aussi son incontournabilité. Il faut savoir que ça va être tout un défi, que ça va être très difficile. Donc, ce sera difficile, mais c'est simple à comprendre. Donc, du moins sur papier. Mais c'est justement, si c'est facile sur papier, on ne faut pas faire exprès pour le rendre difficile. Donc, c'est relativement facile à comprendre, mais ça va être évidemment très difficile à créer. Ça va être un défi, c'est certain. Donc, mais il faut se souvenir que sans l'unité, ça ne sera pas possible. Avec l'unité, ça va être relativement facile. Donc, parce qu'évidemment, si on considère les problèmes que nous avons, s'ils étaient à l'échelle d'un petit groupe ou d'une entreprise, il y a beaucoup de problèmes qu'on a collectifs qui sont pas très compliqués, pourtant ils sont toujours là. En fait, ils sont pas si compliqués compliqués à régler si on réussissait à s'entendre. On peut dire ça comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre de l'énergie pour créer cette unité-là. Donc, c'est un investissement et en fait, c'est une nécessité, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut que les gens comprennent ça, de plus en plus de gens comprennent ça, puis qu'ils veulent. Ils veulent l'unité. Parce que ce sont eux, les gens, les individus, et évidemment les différents qu'ils ont entre eux, que l'on doit unir. Donc, il faut comprendre c'est quoi et qu'est-ce que c'est pas aussi. Parce qu'il y a des fausses routes. Il y a, par exemple, une fausse route, c'est tous ensemble contre. Donc, cela, tout ensemble contre un ennemi commun, par exemple. Ça est arrivé souvent dans l'histoire. Cela crée, par exemple, une unité, mais passagère. Donc, lorsque l'ennemi commun est battu ou disparaît, on en revient au point de départ. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Ensuite, il y a d'autres unités comme tous ensemble derrière. Par exemple, tous ensemble derrière un leader. Mais ça, c'est arrivé souvent aussi. Là, on tire le leader, paf, puis c'est fini. Tout le monde, toutes les brebis s'égarent. Ils reviennent désunis, finalement. Donc, c'est pas une unité. Il y a aussi tous ensemble pour, donc tous derrière une cause. Mais ça, c'est pas vraiment d'unité, c'est plus de l'homogénéité. On est tous d'accord, on est tous pareils, sauf que ça l'exclut ceux qui sont pas d'accord. Donc, c'est pas vraiment une unité. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une unité point tout court. Et le but, il faut comprendre aussi que le but de l'unité, c'est le pouvoir, avec un grand P. Donc, c'est pas se tenir la main tous ensemble, s'aimer dans la joie, etc. Évidemment, on peut aimer les autres, c'est sûr qu'il faut aimer les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous, on est tous d'accord et qu'on aime tout le monde nécessairement. On peut être en désaccord, on peut en fait ne pas aimer quelqu'un ou ne pas aimer ses idées et être dans l'unité et vivre dans l'harmonie. Donc le problème, c'est pas ça. C'est pas, faut pas penser que tout le monde va devenir pareil et penser pareil. On n'a pas besoin. C'est pas ça l'unité. L'unité, ça va être vraiment quelque chose de... C'est quelque chose de pratique, de tactique, d'effectif, là, de public, de formel et de fonctionnel. Donc, ça va être vraiment quelque chose là concret et pratique. Donc, ça va être, s'il y a un but à ça, c'est de pouvoir de qu'on puisse localement, dans cette assemblée de citoyens, unis sur une base, une plateforme unique, là, que se trouve, là, que c'est là que va se trouver le pouvoir du monde. Donc, c'est pas là-haut, là-bas, au loin, parmi de supposés grands personnages puissants. Donc, ça va être vraiment localement, ça va être localement partout et que ça va se passer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si des individus dans une localité réussissent avec tous leurs différends, en étant eux-mêmes à 100%, avec toutes leurs croyances, leur culture, leurs différences, leurs différends, etc., réussissent à développer une stratégie, une technologie pour créer l'unité, bien, cette même technologie-là va pouvoir être appliquée entre les sous-groupes. Donc, les groupes régionaux vont pouvoir s'unir avec les autres groupes. Et éventuellement, avec la même technologie, toute l'humanité va pouvoir s'unir. Mais le pouvoir ne va pas être centralisé. Il va être décentralisé. Et il va pouvoir être exercé par les individus, même si c'est les individus localement. Donc, c'est un peu une vision là, de l'ensemble qui en partant en regardant l'unité. Là. Et donc, on le répétera aussi jamais assez, aucune puissance qui existe, qui tire sa source de pouvoir, et surtout d'autorité, autre part que chez les individus. Donc, c'est toi et moi, c'est nous, localement, qui sommes, dans le fond, la source de l'autorité. Et il faut s'organiser pour que les choses reflètent cette réalité-là, cette vérité-là. Donc, nous, c'est nous qui sommes l'autorité. Il reste juste à nous organiser pour pouvoir l'exercer et assumer nos responsabilités. Donc, c'est nous qui sommes responsables de l'état du monde. Et nous n'avons rien à faire. Ça, c'est un autre point. On n'a rien à faire. On n'a pas de loi à écrire pour avoir du pouvoir. On n'a pas à le demander à personne. Si on voit ça aussi avec le... À mon avis, c'est une erreur de ceux qui proposent la constituante. Ils pensent qu'en changeant les lois, ils vont pouvoir avoir du pouvoir, mais c'est en réalité, nous avons déjà le pouvoir. C'est à nous de nous organiser en conséquence et donc à reconnaître que notre mode organisationnel actuel est passé, n'est pas approprié. Donc... Si on est tous d'accord pour changer de règle, c'est quoi ou c'est qui va nous en empêcher? Si on est tous d'accord, si on est capable de le faire, ben on le fait. Je vais utiliser une image là, pour encore le jeu de Monopoly pour illustrer ça. Par exemple, si tous les joueurs de Monopoly qui jouent acceptent Et on accepte de changer les règles du jeu, mais on a juste à les changer. Les règles, c'est dans le fond, c'est juste des écritures sur la boîte. Donc, si on décide que lorsqu'on passe Go, on récolte 300$, ben on le fait. C'est notre décision. C'est nous qui, on peut faire ce qu'on veut. Et si en faisant ça, en faisant un changement, ça débalance le jeu, ben ça, c'est notre problème. Mais on est libre de le faire. Et on fait ce qu'on veut, puis on vit avec les conséquences. Donc, on est libre. Donc, la question qui se pose en réalité, c'est pas ai-je le droit ou est-ce légal, mais plutôt que voulons-nous qu'il soit légal? Ça, c'est la question qu'on doit se poser collectivement. C'est ce qu'une collectivité unie va se poser comme question. Et c'est nous qui décidons de toutes les lois. Et si les lois ne font pas notre affaire, on peut les changer. Donc, c'est sur la base de l'unité, sur une plateforme unique. On va se placer pour créer nos organisations qui vont nous permettre d'exercer notre pouvoir. Donc, on va explorer les possibilités, toutes ces possibilités-là au fil des émissions. Et pour commencer aujourd'hui, après la pause musicale, je vais vous proposer d'explorer un des axes du pouvoir et comment nous pourrions nous organiser pour mieux l'approprier. Et en fait, ce pouvoir-là, c'est le plus grand pouvoir dans notre société. Donc, on va voir ça tout de suite après la pause musicale. À tantôt! Thank you. On est de retour. Donc maintenant, on va voir comment l'unité va nous permettre d'exercer notre pouvoir collectif. Donc, comment on peut utiliser ce pouvoir-là, cette puissance-là comme outil. Et on va voir plus en détail qu'est-ce que ça pourrait dire concrètement. Donc, un des plus grands pouvoirs, quel est le plus grand pouvoir dans notre société? Eh bien non, c'est pas l'armée ni le gouvernement. En fait, c'est même pas l'argent non plus. Et vous connaissez certainement cette citation du père Rothschild qui dit qu'il se fout qu'il fait les lois en autant qu'il a le contrôle de la création de l'argent. En fait, ce qu'ils ont en effet depuis probablement le 17e siècle avec la Banque d'Angleterre, mais ça c'est une autre question. Mais cette citation-là est un mensonge. En fait, je ne sais pas si on pouvait s'attendre à d'autres choses de la part de Rothschild, mais en tout cas. Mais ce n'est pas que l'argent, son contrôle, ne soit pas en effet un plus grand pouvoir que le gouvernement et de ceux qui font les lois. On est d'accord avec ça. Le mensonge, en tout cas, le mensonge blanc, si on peut dire, c'est ce qui ne le dit pas. C'est qu'il y a un autre plus grand pouvoir que celui du contrôle de la création monétaire, c'est celui du contrôle de l'information. Et donc, et cela, ça passe par deux institutions principalement, le système d'éducation et les médias. Donc, je ne vais pas trop m'attarder au courant de ce projet-là ou des émissions sur l'éducation, mais plutôt sur un projet concret que nous pourrons faire au niveau des médias. On va y revenir plus tard. Mais pour ce qui est de l'éducation, parce que dans l'éducation, la solution n'est pas très compliquée. Notre premier ministre, François Legault, l'a déjà dit il y a quelques années. Ça, c'était avant la CAQ, lorsqu'il était le porte-parole d'un groupe d'une cinquantaine de personnages au Québec qui proposaient des changements là, dans la société. Ils sont attardés sur l'éducation beaucoup, et entre autres. Et la solution est simple, elle se résume en une seule phrase. Donc, c'est donner plus de pouvoir à la base. Il l'a répété plusieurs fois. Et dans ce cas-ci, dans le cas du système d'éducation, c'est qui la base? Bien, ce sont tous ceux qui veulent s'impliquer dans l'éducation. Ils connaissent les problèmes, ils les vivent et ils ont plein de solutions, plein d'idées. Ça, c'est les profs, les directeurs d'école, les parents, donc tous ceux qui gravitent autour du système de l'éducation, de la pédagogie. Et dans le fond, on n'a pas besoin de tout contrôler dans les systèmes d'éducation. Je parle, on peut de créer le programme puis de l'imposer uniformément et unilatéralement à tout le monde. Tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est s'assurer que les jeunes évoluent puis apprennent les bases. En fait, c'est à nous aussi à décider c'est quoi qu'on veut que ce soit cette base-là. Ensuite, on peut vérifier ça avec des tests périodiques que les jeunes passeraient. Mais en dehors de ça, on peut être ouvert et flexible sans laisser aller les choses trop extrêmes, évidemment. Et donc, que ce soit, par exemple, l'école à la maison, les écoles alternatives, les initiatives des professeurs, et de laisser les parents envoyer leurs enfants où ils veulent, etc. Donc, par exemple, en Russie, il y a même des écoles où il n'y a pas de profs. Les jeunes bâtissent, ils se coopèrent, ils s'entraident, puis ils bâtissent des maisons. Il y a même un concours qui était organisé avec des grosses bourses là, qui demandait à des startups s'ils pourraient créer une application qui permettrait à des jeunes en Afrique où il n'y a pas d'école, s'ils pouvaient apprendre seulement avec l'aide d'une tablette, d'un iPad. Et en quelques mois, les jeunes, juste avec un iPad puis cette application-là, ils apprennent à lire, à écrire, à compter, etc. Donc, il y a vraiment... Il n'y a pas à se casser la tête si on laisse les gens... c'est pas les idées qui manquent. Il suffit de leur donner la POC, puis à ceux qui veulent, puis le système d'éducation va changer. Et surtout, ça va arrêter d'être un système d'endoctrinement. Parce qu'on ne va pas changer le système, on ne va pas produire des étudiants qui le défendent. On ne va pas changer le système, si on continue à produire des étudiants qui défendent le système. Donc, il n'y a pas beaucoup à ce que je cherche d'économistes qui contestent, par exemple, le contrôle de la création monétaire. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils nous endorment avec leurs théories complexes et pseudo-intelligentes, tandis que l'humanité continue à souffrir sous l'esclavage de la finance, puis qui écroule sous les dettes qui sont mathématiquement impossibles à payer. Et c'est pas les économistes qui sont en voie de nous en sortir. Donc, même si les gens ne le contestent pas, et puis qui croient qu'ils doivent payer ces dettes-là, ça va pas changer. Donc, c'est sûrement pas dans les médias qu'on va faire aller les choses dans cette direction non plus. Pourquoi? Eh bien, parce que les médias ne sont pas là pour nous servir, ne sont pas là pour servir la société. Nous, les citoyens, nous ne sommes pas leurs clients. Nous sommes plutôt leurs produits. Nous sommes le produit qu'ils vendent à leurs clients. Et leurs clients, c'est la même chose pour les médias sociaux, comme Facebook et compagnie. Donc, les clients des médias, c'est les annonceurs, c'est-à-dire les corporations. Parce que c'est ce qui a les moyens de payer la publicité à n'en plus finir, ben c'est les corporations. Même s'il y a des petites entreprises qui peuvent mettre des annonces de ci et là, en gros, c'est ça. Et qui décide du contenu, donc qui fait le contrôle de l'information, ben c'est ceux qui payent, comme toujours. Puis qui paye, ben c'est les corporations. Donc, c'est les corporations qui décident du contenu des médias. Donc, on va regarder plus en détail après la pause musicale. On va regarder ce pouvoir-là des médias et ce qu'on pourrait faire pour le mettre à notre service. Donc, ça sera pas trop long tout de suite après la chanson. De retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, le plus grand pouvoir est celui du contrôle de l'information. Et comme on a dit, il est en très grande partie dans les médias. Pourquoi les médias? Ou pourquoi en fait n'importe qui a du pouvoir? Parce qu'il puise son pouvoir dans la source de tout pouvoir. On l'a vu précédemment, l'individu. Donc, c'est nous le pouvoir. Les individus, les gens, les personnes. Donc, il y a du pouvoir dans le contrôle de l'information car c'est nous qu'on contrôle. Ce qu'on pense, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, là où va notre attention, etc. Donc, on peut créer de la diversion, nous rendre confus, nous garder ignorants, nous faire croire savants ou connaissants, nous faire adopter un point de vue, etc. Bref, nous manipuler. Les médias sont puissants car c'est un système qui juxtapose plusieurs éléments qui leur donnent cette force. Bien entendu, il y a l'information, ce dont on parle, ce dont on ne parle pas, comment on le dit, l'approche, la profondeur, etc. Ensuite, il y a le grand nombre de gens qui s'y réfèrent, le nombre extrêmement limité de canaux par lesquels consulter cette information-là. Ça crée comme un effet laser, une concentration. Et puis, par exemple, si on regarde au Québec, il n'y a pas beaucoup de canaux. Mais en plus, ils disent à peu près tous la même chose. Donc, et c'est beaucoup de gens qui focus, qui se concentrent sur un point, mais évidemment, ça donne beaucoup de force à cette information-là. Donc, ça crée une puissance laser, un focus collectif, si on peut dire. Et la concentration, donc, c'est un facteur important, la puissance des médias. Et on rajoute à ça que l'énergie, comme on dit en développement personnel, l'énergie suit l'attention. Et donc, en contrôlant l'information, on peut influencer les gens en orientant leur attention dans une direction plutôt qu'une autre. Et notamment, il y a beaucoup de divertissement. Et ça, la racine de divertissement, c'est la diversion aussi. On peut voir ça comme ça. Donc, au niveau individuel, je sais que si je veux atteindre un but, je dois me concentrer et regarder là où je veux aller. Donc, Anthony Robbins, donne une bonne analogie de ça par rapport à... Mais évidemment, c'est par rapport à l'individu, mais ça s'applique aussi au collectif. Donc, il prenait un cours de course automobile. Et on a un réflexe lorsque la voiture... lorsqu'on perd le contrôle de la voiture, on a un réflexe de regarder là où on ne veut pas aller. Et donc, pour s'entraîner, quand on apprend à conduire une voiture de course, il faut contredire ou s'habituer à ne pas suivre ce réflexe naturel-là qui est de regarder dans le fond où on ne veut pas aller, dans le fossé, dans ce cas-ci, ou dans le mur. Donc, il faut s'habituer à regarder où on veut aller, c'est-à-dire continuer notre chemin. Et c'est la même chose, donc ça démontre l'importance de l'attention, parce que c'est là qu'on va aller. Et donc, c'est la même chose pour la collectivité. Là où un grand nombre de personnes regardent, ça va influencer grandement où est-ce qu'on va aller collectivement. De là, la puissance des médias. De la même façon, si on veut aller à quelque part, on aurait avantage à contrôler, avoir un contrôle sur ce sur quoi collectivement on focus. Mais on n'a pas de contrôle sur le contenu des médias, non. Donc, la clé qui va nous permettre de créer un outil collectif en utilisant ces éléments-là qui font la puissance des médias. Donc, on va pouvoir créer un système, un projet, un journal, si on veut, un média, où on va pouvoir décider du contenu. Cette partie-là va pouvoir se faire sur le web. Donc, par exemple, on va pouvoir proposer des articles, soit écrits par des citoyens ou des journalistes professionnels. Ça peut être des articles pris dans d'autres médias conventionnels aussi. Je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses dans les médias ou des bons journalistes, au contraire. Non, mais le but, c'est pas par ce projet-là de remplacer les médias, donc mais de créer un outil en utilisant les principes qui font la force des médias. Donc, ça va être vraiment quelque chose que nous, les citoyens d'une collectivité donnée, vont créer. Donc, évidemment, si par exemple, les journalistes ne veulent pas qu'on utilise leurs articles, on peut commander un article en proposant les idées qu'on veut y voir. Par exemple, si Patrick Lagacé... Il y a des citoyens qui disent « Ah, ce que Patrick Lagacé a écrit, on aimerait ça que ça apparaisse dans le journal. » Et qui ne veulent pas, ben, à ce moment-là, on peut commander, on peut dire quels sont les éléments dans l'article qui nous intéressent et commander l'article de quelqu'un d'autre qui l'écrirait. On peut aussi avoir une banque de journalistes qui ont des articles à proposer, parmi lesquels on peut piger pour transposer dans le média. Donc, j'ouvrirai une parenthèse par rapport aux récentes subventions du gouvernement aux médias. Moi, je suis en total désaccord avec ça. Ce ne sont pas les médias qu'il faut subventionner, ce sont les journalistes. Et pour décider à quel journaliste va être subventionné, ce sont les citoyens qui doivent décider ça. Donc, au lieu d'avoir donné des millions à des médias qui sont des entreprises... nécessairement apparemment désuète, parce que si les grosses puissances d'argent se retirent des médias, c'est parce que le modèle ne convient plus. À ce moment-là, pourquoi financer ces entreprises-là, alors que ce sont les journalistes qu'il faut financer? Et en faisant ça, en donnant l'argent aux journalistes et en permettant que ce soit les citoyens qui décident quel journaliste va et combien vont recevoir l'argent, Là, ça va créer vraiment, ça va donner une variété de journalistes qui vont représenter la variété des points de vue. Et ça va offrir une information libre et non contrôlée. De cette façon-là, on va avoir des journalistes nouveaux qui ne sont pas présents dans les médias. Ça va faire changement d'avoir toujours les sempiternels mêmes journalistes qu'on voit et qui pensent à peu près tous pareil. Donc, évidemment, ces journalistes-là vont être encore là. Il ne s'agit pas de les retirer, mais de rajouter et d'avoir quelque chose de vraiment plus représentatif. Et là, ça va vraiment changer la donne, surtout si on les place dans le projet que je propose, que j'appelle Média Unique, donc je vais y revenir. Donc, l'idée, c'est que c'est aux gens à décider du contenu, même si les gens ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui devrait s'y retrouver. C'est justement ça qui est le travail. Faut s'entendre et du moins permettre à tous de s'exprimer, d'avoir une place dans le focus collectif officiel. Donc, avoir un système de sélection et de priorisation, c'est ce qu'on va avoir en ligne, pour déterminer quel sera le contenu dans ce média collectif. Ensuite, ça va être nous qui va devoir payer, parce que si c'est encore des publicités, ça, on va revenir aux mêmes choses. Donc, faut comprendre que c'est vraiment les lecteurs qui devront financer le journal, parce que c'est celui qui paye qui décide, c'est une règle ça. Et aussi, nous devrons réussir l'exploit à limiter, ça c'est aussi très important, parce que pour avoir la puissance, ça doit être concentré, donc il ne peut pas en avoir un grand nombre de journaux ou de médias, comme on a en ce moment sur l'Internet. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est diffus, ça n'a pas de puissance, la puissance est dans la concentration. Et c'est les citoyens qui doivent comprendre ce fait-là, ce phénomène-là, et accepter, et aussi, évidemment, réussir à s'entendre sur le contenu média, du journal, en l'occurrence, que je propose, mais ça pourrait être d'autres formes éventuellement. Donc, il faut réussir à cet exploit-là de limiter le plus possible le nombre de médias, l'idéal, ce serait évidemment d'en avoir juste un. C'est pourquoi j'ai nommé ce projet-là Média Unique. Donc, c'est un seul journal avec un algorithme qui va permettre aux citoyens de décider quel en sera le contenu. Et donc, ça va donner une grosse puissance à la collectivité parce que ça va nous permettre de concentrer notre focus, d'utiliser le pouvoir des médias et diriger notre focus là où on veut aller, nous. Et donc, ça risque d'être probablement extrêmement différent de ce qu'on retrouve dans les médias en ce moment et depuis tout le temps, en fait. Donc, ça va être ça le défi. Et donc, c'est une introduction au projet de Média Unique. On va évidemment en reparler. C'est sûr que c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai l'intention de réaliser aussi. Donc, si vous avez des questions, on va revenir après la pause musicale, mais je répète que si vous avez des questions, les commentaires, les critiques, n'importe quoi. Si vous voulez me communiquer, vous êtes les bienvenus. Il y a un forum sur le site de radioimpact.ca où vous pouvez passer évidemment par Facebook. Tous les commentaires sont les bienvenus. On revient après cette courte pause musicale. Thank you. De retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, notre projet, qui est de l'élaboration d'un plan, c'est important d'établir une distinction entre ce projet-là et tous les autres causes, aussi importantes soient, puissent-ils l'être. L'environnement, c'en est une, évidemment, la faim dans le monde, ou se préoccuper de la nation, par exemple, du Québec ou du Canada, ou peu importe où vous êtes dans le monde. Évidemment, toutes ces choses-là sont importantes, mais la distinction, c'est que la création du paradis sur Terre, c'est un projet qui inclut toutes les dimensions, donc toutes les causes en même temps, et tout le monde, donc partout, et tandis que les autres, une cause en particulier, c'est aussi importante soit-elle et qu'il faut s'en occuper, n'aboutira pas. Par exemple, ne pourra pas régler tous les problèmes. Il y en a un en particulier qui prend beaucoup d'espace, c'est l'environnement. Donc, si on veut vraiment régler et changer en profondeur un domaine, il faut prendre en considération les impacts sur les autres domaines parce que tout est relié. Donc, ce qui arrive avec l'environnement, c'est ça, c'est que, bien entendu, c'est un peu comme la santé. Si j'ai des problèmes de santé, à quoi bon tout le reste? C'est la même chose avec l'environnement et on est d'accord avec le fait que c'est extrêmement important. Par contre, est-ce que d'approcher les choses seulement en considérant cette dimension-là va régler premièrement cette dimension-là en tant que telle, mais tout le reste, c'est ça qu'on peut questionner et que je considère qu'est une stratégie inefficace. Donc, on peut voir qu'en fait, l'environnement, que ça marche pas vraiment, ça l'avance plus ou moins. Et c'est quoi la solution que, si on les écoute, les environnementalistes, c'est quoi la solution finale qu'ils proposent? Eh bien, c'est pratiquement que le problème, c'est l'être humain. Donc, il faut quasiment arrêter l'être humain. Comme ça, il ne polluera plus. On peut quasiment en déduire qu'on serait mieux de creuser un trou et de s'enterrer. Et on va arrêter de polluer, de consommer, puis en bonus, on va faire du compost. Donc, ils proposent la décroissance, par exemple. Je suis déjà allé à une rencontre sur ce sujet-là, et la salle était remplie de bonnes gens, des gens avec qui j'ai plein d'affinités. C'était pas des gens différents de moi. Là, c'était des gens normaux, si on peut dire. Et on peut dire que ça sautait pas très haut à la fin de la... Même s'il y avait des bons principes qui étaient véhiculés, ça sautait pas très haut à la fin de la conférence. Ben pourquoi on peut? Ben c'est parce que ça a pas d'allure. Donc ça demande ça tient pas en considération toutes plein de choses dans notre société et ça pourrait pas fonctionner. Et en plus, le discours environnemental est rempli d'erreurs philosophiques. Par exemple, on est rendu, si on les écoute, à associer la dépense d'énergie comme si c'était de la pollution. Donc on en déduit qu'économiser l'énergie, c'est bon pour l'environnement. Mais ça n'a pas aucun sens. Il n'y a pas dans le cosmos, l'univers, la vie, appelez ça comme vous voulez, l'énergie est illimitée. On ne va pas sauver l'environnement si on économise l'énergie ou si on économise l'eau, par exemple. Donc, l'eau, c'en est un autre qui n'a pas aucun sens. C'est pas parce que tu es respect, C'est pas parce que tu respectes le entente. Tu fais pas ça, on n'économise pas l'eau parce que tu es respectueux. On le fait, c'est-à-dire parce qu'on est respectueux puis on est reconnaissant pour la vie et la nature. Donc, je ne recommande certainement pas de gaspiller. Mais ce n'est pas parce qu'on économise qu'on va régler les problèmes environnementaux. Donc, c'est ça l'erreur philosophique, dans le fond, là-dedans. Par exemple, les Premières Nations, ils gaspillaient rien des bisons. La vieille dame, elle mâchillait le wananish, les tendons, pour faire un G-string à son chum. Il gaspillait rien des bisons, mais il faisait pas ça pour sauver l'environnement. Il faisait ça parce qu'il respectait, il était reconnaissant envers la nature et il était en harmonie. Donc ça, oui, 100%. Mais économiser l'eau, par exemple, l'eau, elle vient du sol. Elle s'en va, quand on l'utilise, elle n'est pas zappée sur la planète Mars. Donc, elle retourne dans la nature. Et c'est plutôt pour économiser l'argent qu'on dépense pour la filtrer, mais ça, c'est une autre question. Mais l'idée, ce n'est pas de gaspiller ou qu'on n'a pas à changer les choses. Mais c'est que c'est comme si on poussait dans une... on poussait, ben on était déraillé. On peut pas, on va pas pouvoir régler les problèmes environnementaux en étant plus sain que le pape. Donc, à ce niveau-là. Donc, je dis pas, évidemment, de gaspiller. Donc, il faut comprendre l'idée derrière. Et en ce qui concerne, par exemple, les gens qui se préoccupent de l'environnement, j'avais une émission à Radio Communautaire il y a une dizaine d'années. J'avais parlé d'un des systèmes qui produit l'énergie, entre autres, avec des aimants. Donc, c'est un système bien simple qui fonctionnait et qui dont l'inventeur avait fait de la promotion. Il avait même été dans des stades, tout ça, pour montrer, essayer de faire convaincre les gens de l'utilité. Donc, c'est pas compliqué comme... c'est pas quelque chose qui était compliqué comme l'énergie libre et des technologies plus scientifiques difficiles à comprendre. C'est simplement des aimants. Et c'est pratiquement le mouvement perpétuel, ça. Quand les aimants ne perdent leur magnétisme, on peut les recharger. Donc, ça permettait d'avoir de l'énergie décentralisée, presque gratuite, ce qui ne pollue pas, est silencieuse, pas d'ondes, rien. Donc, c'était merveilleux. Mais il n'y a pas vraiment personne qui s'est intéressé dans mon émission. Mais là, je peux mettre ça sur le dos qu'il n'y avait pas grand monde qui écoutait. Mais même à la façon plus large, il n'y a pas... les écologistes ne prennent pas ça en considération, alors que ça pourrait être des technologies à ce niveau-là ou à d'autres choses qui seraient vraiment excellentes. Donc, on ne les prend pas en considération. On se demande si ils croient pas. Peut-être qu'on n'y croit pas. Je sais pas qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on commence à y croire. Peut-être qu'on en vende chez Canadian Tire. Mais si on mettait un dixième de 1% de toutes les énergies qu'on met pour la préoccupation de l'environnement, etc., pour mettre en place de telles technologies, on les aurait eues depuis longtemps. Donc, la vérité, c'est que ça bloque. Donc, pourquoi? C'est ça qu'il faut se demander. Mais on peut analyser un peu la situation. Si, par exemple, ce système-là est adopté, imaginez si la production d'énergie est presque gratuite, décentralisée, illimitée, ben, que va-t-il arriver, par exemple, avec Hydro-Sherbrooke, mais Hydro-Québec aussi? Tous les emplois, tous les revenus de l'État. Hydro-Québec rapporte, à ce que j'avais vu, 2 milliards à l'État québécois par année. Donc ça, 2 milliards, c'est un tiers des intérêts sur la dette, qu'on doit pas de toute façon, mais c'est quand même, pour l'instant, on la paye. Donc, s'il faut considérer ces autres aspects-là avec ça, donc arrêter de payer la dette. Donc, si on voulait intégrer ce système-là, il faut faire des changements dans d'autres aspects, le système financier, économique. Donc, il faut tout considérer. C'est là que je veux en venir. C'est que si on veut changer l'environnement, il faut aussi considérer toutes les autres. Donc, si on a un plan d'ensemble, là, on va le faire. Puis si on a le pouvoir aussi, on va pouvoir faire ces changements-là. Mais si on n'est pas prêt, on n'est pas apte à les faire, ben on les considère pas. Et c'est pour ça que les environnementalistes ne considèrent pas ces technologies-là, parce que ça déferait toute l'économie. Si je pense à cet aspect-là, par exemple, si on aurait l'énergie gratuite, donc il faut changer le système financier, arrêter de payer la dette, et contrôler la création de l'argent, créer de l'argent sans intérêt, la distribution d'un dividende, etc. Donc, les crédits sociaux. et donc changer l'économie, changer la finance. Et si on change pas le système financier, ben on a besoin de travailler pour avoir de l'argent. Donc il faut des emplois, donc il faut la production et donc la consommation. Et là, c'est une des propositions des écologistes d'arrêter de consommer. Sauf qu'ils n'ont pas l'air à tenir en considération que si on arrête la consommation, il va falloir arrêter aussi la production et les emplois. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi, par exemple, les Albertains poussent pour le pétrole? Ben, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre. Parce que c'est pas parce qu'ils sont des ennemis de la nature. Donc, tout ça, on met tout ça ensemble, mais ça, c'est clair qu'il faut vraiment considérer tous les aspects en même temps, pas juste un, donc environnement. Donc, notre projet implique tout et tout le monde, tout de suite. Donc, parce qu'il est urgent de remédier à la situation à cause, comme j'ai dit, des choses inacceptables. Et non pas à cause de l'environnement, quoique l'environnement, évidemment, est important, extrêmement important, mais pour notre intégrité. Car il faut faire tout ce qu'on peut pour y remédier, car ne rien faire, ce serait une décision, donc une création, et donc nous sommes responsables de ça. Comme j'avais mentionné dans la première étape là, du plan de la semaine dernière. Donc, ça va être correct pour cet aspect-là. Et il reste encore quelques minutes. Je vais avoir le temps, peut-être après la pause musicale, de finir avec une courte capsule. Que je pose la question, est-ce que ça irait mieux s'il n'y avait pas d'argent? Parce qu'on entend ça des fois, on met la faute sur l'argent et on se dit, s'il n'y en avait pas, peut-être ça irait mieux. Donc, on va voir ça tout de suite après la pause musicale. Yeah. Est-ce que ça irait mieux s'il n'y avait pas d'argent? J'entends ça des fois. J'ai même un ami qui dit « à bas l'argent ». Donc, est-ce que l'humanité peut vivre sans argent? Certainement que ce serait possible. Entre autres, les Premières Nations, à ce que je sache, il n'y avait pas d'argent. Mais peut-être qu'il aurait pu, aurait été capable de vivre avec de l'argent, avec un système d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est un système conventionnel. Donc, c'est une création collective. C'est nous qui l'avons créé et qui le maintenons en place. Donc, ce système est actuellement, et il a probablement toujours été vicié. Il a été approprié par des intérêts privés et nous en sommes responsables de ça car c'est nous qui les avons laissés faire ou n'avons pas su ou n'avons pas pu réussir à les empêcher. Donc, d'abord, il faut reconnaître que c'est notre création, que c'est en notre pouvoir de reprendre son contrôle et de corriger le vice s'il y a lieu. Et il y a lieu, effectivement, il faut le corriger. Donc, si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne serons pas plus capables de le mettre de côté. Si c'est ça que nous voulons, en supposant que ce soit une bonne chose, évidemment, il s'agit d'une capacité collective. Vivre sans argent, c'est plus que vivre sans argent. C'est comme la paix, c'est plus que l'absence de guerre ou de violence. C'est complexe. Ça demande une maîtrise, un savoir-faire avancé, une volonté, une vigilance appliquée et maintenue. On ne peut pas juste repousser ça du revers de la main et aller se cacher dans le bois. Parce que le problème, c'est pas l'argent, ou quoi que ce soit d'autre, en fait, finalement. Le problème, c'est nous. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui nous amenons avec nous, si on s'en va, si on repousse l'argent. Donc, le but, c'est que ça passe par la maîtrise de notre création. Et pour ça, il faut développer et prendre les rênes de notre autorité collective. Et c'est ça la deuxième étape du plan pour en arriver à la troisième, qui est la création collective. Donc, évidemment, la création, ça va être toutes sortes à plusieurs niveaux. Et entre autres, les institutions. Il y a beaucoup de choses qu'on va continuer à créer comme elles sont là. Il ne s'agit pas de mettre à terre toutes, mais d'être capable de le faire s'il y a lieu, si c'est nécessaire, si nous en jugeons nécessaire. Donc, c'est ça le plan, c'est ça le projet. Et je vous remercie beaucoup d'être encore là, et je vous invite la semaine prochaine, donc à radioimpact.ca, comment créer le paradis sur Terre. Donc, c'est tous les dimanches à midi. Et vous êtes les bienvenus, comme j'ai dit, à laisser des commentaires, donc soit sur la plateforme... le forum ou sur Facebook. Mon nom est Patrick Tétrault et bonne semaine. Love makes you wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna float in the air. Love makes you wanna fall off your chair. Love makes you wanna throw away all your cares. Love makes the world go round. Love makes you happy, love makes you glad. Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach to the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna smile all day long. Love makes you wanna sing a sweet song. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love makes you happy. And love makes you glad. Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach for the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna laugh all day long. Love makes you wanna sing a sweet song. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Vous cherchez un livre original écrit par un auteur contemporain ? Visitez les éditions Dédicaces. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicaces, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire. Plus d'informations sur le site www.dédicaces.ca. Les éditions Dédicaces, des moments d'éternité à savourer. La radio que vous écoutez a été sélectionnée dans l'annuaire de la radio. Depuis 1998, cet annuaire, conçu par des passionnés de radio, parcourt le web pour vous à la recherche de stations de radio originales. Grâce à un classement astucieux, par genre ou par département, il vous propose d'accéder en deux clics à la station qui vous correspond le mieux. L'annuaire de la radio vous propose même de remonter le temps à la recherche des radios disparues, des archives sonores ou des podcasts de vos émissions préférées. Vous aimez la radio ? Alors rendez-vous sur l'annuaire de la radio, www.annuairedelaradio.com. Rendez-vous chaque mercredi à 18h avec l'animatrice Lucilia Melanda pour son émission Chronique sociale. Spécial focus sur les violences faites aux personnes fragiles. Sur Radio Impact. Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.